Selon Yonhap de Corée du Sud, des intéressés du rendez-vous pour la solution du problème des femmes de réconfort au service de l'armée japonaise, constituée des citadins japonais, ont tenu le 28 septembre une conférence de presse à la maison des conseillers de la diète à Tokyo pour exiger du premier ministre japonais d'envoyer sa lettre d'excuses aux victimes de l'esclavage sexuel au service de l'armée japonaise.